tous les matins, 6h-10h. C'est Coé qui vous réveille sur Europe 2. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, hein, j'appelle parce que j'ai vu votre publicité avec vos coordonnées. Oui. Je voulais savoir, au niveau des disponibilités, quand est-ce que vous pourriez venir me ramener ? Attendez, je dois avoir une place demain matin. Ah, demain matin, ça serait possible ? Oh, ce serait bien. Oui. Parce que demain matin, j'ai pas grand-chose. Alors, bon. Je dis, si vous pouviez me ramener demain matin, ça, ce serait pas mal. Ah, excusez-moi, demain après-midi. Ah, demain ? Wow, c'est pas mal non plus. C'est pas grave. Non, je suis de l'après-midi aussi, c'est pas un problème. Vous mettez combien de temps pour me ramener à peu près ? Bon, disons, quand je connais pas les conduits, hein, mais en principe. Ah, bah, ça je pense pas que vous connaissez. Non, on s'est jamais vu ? Oui, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Ah, oui, ah, oui, c'est oui, du, parce c'est qu'on vient à deux, hein, donc. À deux ? Oui. Ah, vous venez à deux, d'accord, non, c'est bien. Donc, bon, moi, je le temps dont on prépare les échelles. Un qui ramène, un qui nettoie. C'est... Oh, bah, c'est ça. Oui. C'est sympa. Donc, demain après-midi. Voilà, moi, bon, j'en fais un à Bellengreville à 13h. Et je suis chez vous après. Vous tenez la forme. Ah oui, c'est. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Bah oui, je me doute bien. Comment vous vous introduisez ? C'est quelle méthode, vous ? On monte sur le toit. Ah oui ? Oui, et on fait ça de par haut. C'est ah oui, deux, c'est acrobatique. Ah, très. Oh, dis donc, vous risquez rien ? Si, mais enfin, on n'y pense pas. Vous n'avez jamais rien cassé ? Non, pas encore. Il y a quand même des trucs plus faciles. Je sais qu'on peut ramoner plus d'en dessous avec un objet. Oui, là. Mais je vous dis que le résultat n'est pas le même. C'est vrai. Ah oui. Bah écoutez, moi en tout cas, je m'en sers tous les jours. Oui. Ça tire bien, hein. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup. Hein. Mm. Donc c'est vrai que je tire pas mal. Et si vous pouviez me ramener demain dans l'après-midi, à deux en plus, je vous ferai du café. Voilà, très bien. Je vais vérifier dans mon emploi du temps. Bah oui, vous savez ce que c'est. Allez-y, oui. Enfin, quand même, au bout d'un quart d'heure, ça mérite un café. Hein. Oui, oui. Quand même. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde mon emploi du temps, je vous rappelle. Oui, parce que je pars manger là. Hein. Oui, bah écoute, faut que vous preniez des forces. Vous êtes sûr que vous allez ramener cet après-midi ? Ah oui, oui, bah mes rendez-vous sont pris. Hein. Grand fou. Bah. Je vous rappelle tout à l'heure, d'accord ? Voilà, d'accord. Donc, on se dit, on résume. Demain, vous me ramenez à deux pendant un quart d'heure. Oui. En début d'après-midi. Voilà. Bah écoutez, je vous rappelle dans 10 minutes, d'accord ? D'accord, d'accord. Je vous remercie. À tout à l'heure. Tout à l'heure, toi. Tout à l'heure.